Bonjour. La vie plus forte que la mort, c'est le message qu'a choisi l'archevêque de Paris pour son homélie de Noël, prononcée ce matin à Notre-Dame. Une homélie perturbée par un petit groupe qui a réussi à s'introduire dans la cathédrale avant la messe. Perchés sur les gargouilles qui dominent la façade, ces jeunes provocateurs ont fait résonner le grand bourdon de la cathédrale, au moment même où Mgr Lustiger s'adressait aux fidèles. L'archevêque de Paris a dû s'interrompre quelques minutes, le temps pour les forces de l'ordre d'interpeller ce petit monde. Il s'agirait d'intermittents du spectacle et de chômeurs. Malgré cet incident, Mgr Lustiger a donc voulu adresser un message de paix. Nous l'écoutons. Quand les bergers de Bethléem, guidés par l'ange de Dieu, ont découvert l'enfant dans l'étable, ont-ils compris le message que leur envoyait le Seigneur ? N'ont-ils pas été saisis d'un vertige face à la toute-puissance de ce nouveau-né emmailloté ? Mais le Seigneur leur a donné un signe. Le Seigneur a guidé ses enfants vers le lieu de la nativité et il leur a dit : « Regardez, voici le Christ, voici mon Fils, celui qui rachètera les péchés du monde. » Aujourd'hui, les brebis égarées qui sèment le désordre dans la cité sont comme les bergers de Bethléem. Aujourd'hui, nous devons leur donner un signe pour leur dire « Venez enfants et entrez avec nous dans le chemin lumineux. » Noël, paix des cœurs, toujours est-il que la nuit a été calme à Paris. Selon la préfecture de police, seules deux entrées de métro ont été endommagées et un